36e chapitre. La fontenelle prisonnier à Paris. 4 mois se passèrent cependant sans que personne songeât à inquiéter Guéder dans sa solitude. Dans cet intervalle, M. de Mézarnoux vint chercher sa femme à Coisdélan. Depuis le mariage de sa belle-fille, il n'était venu que bien rarement visiter la fontenelle, pour lequel il se sentait toujours une grande aversion. Mais, comme nous l'avons dit, il avait compris qu'il était nécessaire de dissimuler ses sentiments dans l'intérêt du bonheur de Marie. Quoique froids et cérémonieux, le beau-père et le gendre vivaient ensemble en bonne intelligence, et tous deux, intéressés à la paix, faisaient leurs efforts pour qu'elle régnât continuellement au château. Seulement, Mézarnoux ne pouvait comprendre comment Guéder, avec une âme aussi perverse que la sienne, aima Marie si tendrement. Et pourtant, il n'y avait pas à se tromper. La figure de la jeune femme exprimait le contentement, la félicité. En un mot, elle était heureuse. Elle chérissait la fontenelle. Mézarnoux s'était donc promis de la laisser autant que possible dans son ignorance. Prolonger ses illusions, c'était assurer son bonheur. Peu de jours après le départ de Mézarnoux et de sa femme, le baron Amaury arriva à Coisdélan. Il paraissait triste et soucieux et venait communiquer à son frère une lettre que lui avait adressée l'un de ses amis de Paris. Celui-ci lui donnait avis des nouveaux efforts de la famille La Ville-Rouault pour faire mettre la fontenelle en jugement et l'avertissait que l'horizon devenait tous les jours plus sombre et plus menaçant, qu'en conséquence, il l'engageait à se rendre sur le champ à la cour afin d'essayer d'arrêter les progrès du mal. Aussitôt, Guéder déclara au baron qu'il n'y avait pas de temps à perdre et qu'il était urgent qu'ils partissent tous deux pour Paris. Le voyage fut donc résolu, et ce jour-là, Marie fut avertie du prochain départ des deux frères. En apprenant cette nouvelle, elle supplia son mari de ne point la quitter et de renoncer à une absence dont elle redoutait les suites. En vain, elle lui rappela sa détention à Rennes, mais rien ne fut capable d'ébranler sa résolution. Alors la pauvre femme, tout en pleurs et aussi désolée que si elle ne dut plus revoir la fontenelle, le pria de la laisser partir avec lui. Celui-ci, malgré la vive contrariété que lui causa cette demande, n'osa pas refuser Marie. Donc, le lendemain, il se mit en route dans la compagnie de sa femme et du baron. Les chemins étaient alors si mauvais et les communications si difficiles qu'ils mirent plus de 15 jours avant d'atteindre le terme de leur voyage. À peine était-il arrivé que la grande chambre, émue de toutes les plaintes qui lui parvenaient, se décida de concert avec le Parlement de Rennes à lancer un mandat d'arrêt contre l'ancien partisan. En conséquence, elle ordonna au prévôt des maréchaux de le faire arrêter et de donner des ordres pour qu'il fût conduit à Paris aussitôt son arrestation. On lit dans les preuves de Don Taillandier cet arrêt de la Grande Chambre daté du 27 octobre 1600. Les archives de Saint-Brieuc prouvent aussi d'une manière bien certaine que La Fontenelle subit avant sa mort une détention à Paris. Mais il est évident qu'il recouvra sa liberté, puisque dans ces mêmes titres, on trouve la preuve que le 21 juillet 1601, il se trouvait encore à Coisdélan. Pendant ce temps, Guéder, bien loin de soupçonner ce qui se passait, écrivait au roi pour lui demander une entrevue. Il espérait, dans une audience particulière, influencer le monarque et capter sa bienveillance. Henri IV, qui avait eu connaissance de l'arrêt, ne répondit point. Il lui répugnait trop de s'aboucher avec un aussi grand coupable. D'ailleurs, il ne lui avait fait grâce qu'à cause de l'illustre famille à laquelle il appartenait et parce qu'il craignait qu'il ne livrât Douarnenez aux Espagnols. L'arrêt du Parlement devait être exécuté. Dès que la Grande Chambre eut connaissance de l'arrivée de Guéder dans la capitale, elle le fit aussitôt saisir et renfermer dans les prisons du Châtelet. Il faut renoncer à décrire le désespoir qui s'empara de l'infortuné Marie quand la fontenelle fut arrêtée sous ses yeux par Nicolas Rapin, prévôt des maréchaux et lieutenant de Robecourte. Ses cris et ses larmes furent inutiles. Elle tomba évanouie en voyant son mari furieux et terrible se débattant au milieu des gardes qui l'entraînaient de force. Si la position de Marie, après cette arrestation, fut cruelle, celle de Beaumanoir ne le fut pas moins, car non seulement il avait à déplorer le nouveau malheur qu'il n'avait pu conjurer, mais encore il fallait qu'il consolât sa belle-sœur en lui faisant entrevoir pour la liberté et la vie de son frère des espérances qu'il n'avait pas. Cependant, le baron ne se laissa pas abattre. De tous côtés, il redoubla d'efforts pour empêcher que cette affaire ne s'aggravât, et par son influence et celle de plusieurs de ses amis, il finit par obtenir de la plupart des plaignants qu'ils cessassent leurs murmures et retirassent leurs plaintes. La famille, la ville Rouault elle-même, parut s'apaiser et sembla un moment avoir oublié l'outrage qui lui avait été fait. Enfin, au bout d'un certain temps, par l'entremise de son cousin Lavardin, Beaumanoir finit par obtenir une audience particulière du roi, qui l'accueillit avec une grande bienveillance. Les prières et les larmes du baron produisirent sur le Béarnais un effet si puissant que le soir même de cette entrevue, il fit mettre La Fontenelle en liberté. Qu'on juge de l'émotion et de l'étonnement de Marie lorsque soudain elle vit entrer dans sa chambre Guy Hébert, conduit par son frère. Sa joie fut si grande et son agitation si violente qu'on eût pu, en cet instant, la prendre pour une insensée. Tantôt elle embrassait avec transport son mari, semblant douter que ce fût bien lui qu'elle avait devant les yeux. Tantôt elle s'élançait au cou de son beau-frère, auquel elle adressait les plus vifs remerciements. « Tu m'es donc rendu, cher Guy Hébert !» s'écriait-elle en se jetant dans les bras de celui-ci et le couvrant de ses larmes. « Oui, ce n'est pas un rêve. Tu as enfin recouvré la liberté que tu dois à Amaury. Le roi, sans doute, touché de sa douleur, n'a pu résister à ses prières et à ses instances. » « Je te l'ai bien des fois répété, ma chère Marie, » répondit La Fontenelle avec émotion. « Depuis ma plus tendre enfance, mon frère a été pour moi plus qu'un père, et ce qu'il vient de faire aujourd'hui pour ma délivrance ne m'a point surpris. Oui, Amaury, vous pouvez en être certain. Ma reconnaissance pour toutes vos bontés sera éternelle. Je ne crains qu'une chose, c'est de ne pouvoir, avant ma mort, m'acquitter de tout ce que je vous dois. Je le dis ici. » J'ai été fier du pardon que vous m'avez accordé. Il m'a fait tant de bien. Ah, ce n'est pas comme celui du Béarnais. Silence, malheureux ! Interrompit le baron. Le roi ne vient-il pas encore de t'accorder une seconde grâce ? Hélas, oui, dit La Fontenelle en pâlissant. C'est juste. Je dois me taire à présent, car je ne suis plus rien. Et tout à l'heure, le roi de l'île Tristan, jadis si terrible pour tous, n'était-il pas un misérable prisonnier sur le point d'être mis en jugement ? Et menacé de finir comme tant d'autres sur la place de Grève ?